franceinter.com. C'est un des classiques de la télévision et de la vie politique américaine. Un politicien, accompagné de son épouse, se présente devant les caméras. La main sur le cœur, il reconnaît qu'il a péché, offensé gravement ses électeurs et sa famille, mais qu'il a renoncé à ses turpitudes. À côté de lui, l'épouse opine et pardonne, et dans le meilleur des cas, on essuie quelques larmes furtives avant de s'embrasser. L'un des derniers à se livrer à cet exercice de repentir médiatique était un sénateur de Louisiane, David Vitter. Un client parmi d'autres, tous appartenant à la fine fleur de l'establishment de Washington, d'une agence d'accompagnatrices ou escort girls en anglais, dirigée par celle qu'on a appelée la Madame Claude américaine, Deborah Palfrey. Si M. X a décidé cette semaine d'évoquer cette affaire de mœurs, c'est justement parce qu'elle va bien au-delà d'un banal scandale sexuel. Elle jette une lumière crue sur la pratique politique états-unienne et l'exploitation ou la manipulation de la vie privée, et elle illustre les liaisons dangereuses qui existent entre le sexe et la politique. Une affaire qui s'est terminée de façon tragique et où l'on rencontre quelques grands noms de la politique américaine, à commencer par celui de Dick Cheney, le sulfureux vice-président de George Bush, l'homme qu'on a parfois présenté comme étant le véritable homme fort de la Maison-Blanche sous les deux mandats de Bush Jr. Et par conséquent, l'inspirateur de sa politique. Un dernier mot avant d'écouter M. X. Promis, il ne sera jamais question de l'équipe française de football. kiss. Cela s'est passé le 1er mai 2008 à Tarpon Springs, une petite localité en Floride. Blanche, une vieille dame de 76 ans, sort de son mobilhome après sa sieste. Elle cherche sa fille, Déborah, 52 ans, qui vit avec elle depuis quelques mois. Comme elle ne la trouve pas, elle ouvre à tout hasard un cabanon qui jouxte le mobilhome et elle pousse un cri d'horreur. Sa fille est là, pendue à une corde de nylon. Un suicide ? Apparemment, oui. C'est d'ailleurs ce que concluront le médecin légiste et le capitaine de la police locale. Mais évidemment, la personnalité de Déborah Palfrey fera qu'on ne tardera pas à douter et à remettre en cause la thèse du suicide. La personnalité de Déborah Palfrey. Cette élégante quinquagénaire était en effet à la tête d'un réseau d'escort girls, des prostituées en bon français. Et elle faisait l'objet depuis 2 ans d'une enquête judiciaire sur ses activités. Elle était même en attente du jugement qui, sans nul doute, la condamnerait lourdement. C'est un mobile qui pourrait expliquer le suicide. Hein. Certes, mais il y avait aussi les secrets que Déborah détenait. Tous ces hommes, le gratin de Washington qui avait eu recours aux services tarifés de ses employés de luxe. On aurait donc pu avoir la tentation de la faire taire. En effet. Et les candidats ne manquaient pas. Bah alors, à votre avis? Au risque de vous décevoir, je ne crois pas à l'assassinat. Déborah Palfrey s'est réellement donné la mort. De nombreux témoignages et même des textes écrits par cette Madame Claude d'Outre-Atlantique ont permis d'établir que Déborah était à bout de force et qu'elle n'aurait pas supporté de retourner en prison. Parce qu'elle avait déjà connu la prison. Oui, on verra ça plus tard. Dans un mot qu'on a découvert après sa mort, Déborah écrivait même qu'elle était la victime d'un véritable lynchage des temps modernes. Donc suicide quasi certain pour vous. Et tout le reste n'est que fantasme. Alors, qui était réellement cette Déborah Palfrey? J'aimerais vous dire que c'était une chef d'entreprise, car elle a vraiment conçu son activité de façon méthodique et assez ingénieuse. Ouais, une activité quand même de mère maquerelle, hein, si vous me pardonnez cette expression un peu abrupte. Une version modernisée de cette profession vieille comme le monde, oui. Car Déborah Palfrey utilisait toutes les ressources de la technologie actuelle pour gérer son entreprise. Enfin, n'allons pas trop vite. Encore. Et voyons d'abord comment cette fille d'épicier a débuté dans le métier. Déborah, née dans une petite ville de Philadelphie, a d'abord fait de bonnes études secondaires avant d'obtenir un diplôme de droit pénal, ce qui lui a permis de travailler en tant qu'assistante juridique à San Diego, en Californie. C'est rien qui l'a préparé à sa future carrière. Encore que sa connaissance du droit ne pouvait pas lui nuire. En tout cas, c'est en Californie que lui est venue l'idée de monter une agence d'escort girls. Une soudaine vocation. Plus tard, quand elle a commencé à avoir des ennuis, elle a donné une explication qui en vaut une autre. Je vous écoute alors. Eh bien, elle aurait été choquée par la façon dont fonctionnaient les agences existantes. C'est-à-dire, hein? C'est essentiellement l'usage de la drogue qui l'aurait révulsée. La drogue qui permettait, oui, de tenir les filles. Hein, évidemment. Mais si je comprends bien, ce n'est pas la fiction de cette activité d'escort girl qui l'a choquée. Je veux dire que ces demoiselles censées être payées pour passer une soirée avec un homme seul sont en réalité des prostituées. Dans la plupart des cas, oui. Ouais. Et si dans le cadre de leurs prestations, elles avouent pratiquer des massages, on sait comment ça se termine. Donc, pas d'hypocrisie. Ouais, bravo. Alors, je reviens à ce que vous disiez. En s'engageant dans cette voie, Déborah Palfrey voulait moraliser la profession. C'est en effet ce qu'elle a prétendu. Ouais. Autre question, là, aux États-Unis, est-ce que ces agences-là ont pignon sur rue? Tout à fait. Et à Washington, la capitale fédérale fréquentée par beaucoup d'hommes seuls, politiciens, hommes d'affaires ou lobbyistes, elle pullule. Il y en a des dizaines. Et qui fonctionnent en toute légalité. Donc. Même si tout le monde sait qu'elle dissimule en réalité des réseaux de call girls. Alors, de temps en temps, pour faire un exemple, la police s'attaque à l'une d'elles et ses dirigeants sont arrêtés. Accusés de proxénétisme, ils sont condamnés. Mais ça n'empêche pas les autres de continuer à prospérer. Alors, reprenons. Déborah Palfrey se lance dans le métier. Donne-t-elle elle-même de sa personne? Alors là, vous m'en demandez trop. Mais c'est vrai que beaucoup de tenancières de maisons closes ont commencé par être des prostituées. Je n'en sais pas plus. Quoi qu'il en soit, Déborah va vite en besogne. Dès 1990, elle dispose d'un catalogue d'une douzaine de filles. Et elle gagne plus de 100 000 dollars par an. Une activité très lucrative. Oui, mais ça ne tarde pas à se gâter. Alors, que se passe-t-il? Elle est dénoncée, sans doute par la mère de l'une de ses employées. Avertie, elle essaie de fuir au Canada. Mais elle est rattrapée avant d'avoir pu passer la frontière. Jugée et condamnée pour proxénétisme, Elle va passer 18 mois en prison. Alors c'est cette expérience douloureuse là qui expliquerait son suicide. Et donc sa peur panique à l'idée de se retrouver à nouveau derrière les barreaux, oui. Mais notez bien que ce séjour en prison, aussi pénible ait-il été, ne la dissuade nullement de reprendre sa profession. Ah oui, alors dès sa libération, elle monte une autre agence. Exactement. Nom de l'entreprise, Pamela Martin et Associés. C'est sérieux. N'est-ce pas ? En tout cas, pendant une quinzaine d'années, Déborah Palfrey, pseudonyme Julia, ou pour les connaisseurs, DC Madame. La Madame du District de Columbia, c'est-à-dire l'entité administrative de Washington. Hein. C'est ça, parce que c'est dans la capitale fédérale que ces escort girls vont louer leur charme. Donc, pendant une quinzaine d'années, Déborah Palfrey va faire d'excellentes affaires et gagner au moins 2 millions de dollars. Ouais. Combien de femmes travaillaient pour elle hein? On a compté que son réseau comportait 130 filles. Ah oui, c'est considérable. Hein. Je vous ai dit, c'était une vraie femme d'affaires. En outre, les prix pratiqués étaient fort onéreux, 300 dollars de l'heure. Et naturellement, beaucoup plus si le client exigeait une rencontre plus longue. Mais il faut dire que les call girls de l'agence Pamela Martin n'étaient pas les premières venues. Elles étaient très belles. Belles, elles l'étaient, certainement. Mais ce n'était pas tout. Elles étaient aussi généralement bien éduquées. Il y avait parmi elles des professeurs ou des étudiantes recrutées par des petites annonces dans des revues universitaires. Une autre était une scientifique, chercheuse en médecine. Et dans son cheptel, Déborah avait même recruté une jeune femme officier dans la marine. Bref, du beau monde. Hein. Et beaucoup de diplômés. Hein, ça rappelle un peu Belle de jour, hein, le film de Buñuel, adapté de Kessel. Sauf que ces femmes se prostituaient uniquement pour l'argent, hein. Pour rembourser des dettes, pour suivre leurs études ou pour jouir de revenus supplémentaires. Et pas pour assouvir je ne sais quel fantasme. Ah, oui. Alors, j'imagine que lorsqu'elle travaillait pour Déborah Palfrey, elle prenait des noms d'emprunt. Des prénoms d'emprunt. Et les clients ne savaient évidemment rien de leur vraie vie. Mais en dehors du savoir-faire de ces filles, ces messieurs pouvaient donc aussi goûter une conversation choisie. Si vous voulez. Autre particularité du réseau Pamela Martin, ses employés n'étaient pas forcément des jeunettes. Déborah Palfrey avait compris qu'il y avait une clientèle masculine pour les femmes mûres ou expérimentées. Enfin, j'en aurais fini avec le fonctionnement du réseau. Déborah Palfrey, qui avait été échaudée, prenez de grandes précautions pour ne pas encourir les foudres de la loi. Par exemple hein? Si les filles de l'agence Pamela Martin et Associés étaient surtout actives à Washington, Déborah, elle, résidait en Californie, d'où elle gérait sa petite entreprise et recevait par téléphone les appels de ses clients. Et les call girls lui envoyaient ensuite son pourcentage, la moitié du prix de la passe, par mandat postal. Et cette distanciation, si j'ose dire, suffisait à la protéger ? Ben, on verra que non. Mais si elle est tombée, c'est d'abord pour des raisons politiques qui les dépassaient, elle et sa florissante agence. Rendez-vous avec X. En 2007, Déborah Palfrey, déjà mise en accusation, se défend comme elle le peut. Et sur les conseils de son avocat, elle accorde une interview à la chaîne télévisée ABC. Elle déclare d'abord que son agence, qu'elle a toujours présentée comme un service légal d'accompagnatrice, était réputée compter parmi ses clients de nombreux responsables des secteurs privés et publics, parmi lesquels des responsables de la NASA, des officiers de l'armée ou des membres de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. J'engageais des femmes qui avaient la cinquantaine passée. Elles étaient parmi celles qui avaient le plus de succès, a expliqué Déborah Jean Palfrey. Selon elle, ces accompagnatrices n'étaient pas censées avoir des relations sexuelles avec leurs clients. Déborah Palfrey a assuré remplir religieusement les formulaires du fisc, que ce soit pour sa propre activité d'entremetteuse ou celle de ses employés. Je pense, a-t-elle conclu, que j'avais une jolie petite affaire. Je crois que j'ai donné du pouvoir aux femmes et que, grâce à moi, certaines ont pu finir leurs études. Alors, ces raisons politiques, là, pour bien comprendre, il faut se replacer dans le contexte de 2006. George Bush, au pouvoir depuis janvier 2001, traverse alors une période très difficile. Ouais, d'abord à cause de l'Irak. Hein. Naturellement. Là-bas, tout va de mal en pis. Et les Américains ont pris peu à peu conscience que Bush leur a menti en leur donnant de faux arguments pour justifier l'invasion. Mais ce n'est pas tout. Le déficit budgétaire s'envole. Des élus républicains sont compromis dans divers scandales et le président, otage consentant de la droite religieuse, semble de moins en moins capable de diriger efficacement le pays. En outre, il y a les sondages qui prévoient une victoire des démocrates en novembre, lors des élections de mi-mandat. Ce qui sera effectivement le cas. Il y a donc le feu à la Maison-Blanche. Et Bush sera finalement obligé de se séparer de quelques-uns de ses proches. Donald Rumsfeld, le secrétaire à la Défense, Karl Rove, son principal conseiller, et Alberto González, le ministre de la Justice, accusé d'avoir nommé des procureurs soupçonnés de partialité politique. Et c'est justement l'un de ces magistrats qui va être au cœur de l'affaire Deborah Palfrey. Expliquez, là. Jeffrey Taylor, fraîchement nommé procureur du district de Columbia, a une idée susceptible de redorer le blason des républicains. Dans les dossiers qu'il a trouvés en occupant son nouveau bureau, il a repéré une enquête ouverte 6 ans plus tôt par le fisc à l'encontre de l'agence Pamela Martin. Or, d'après les documents dont il prend connaissance, il semblerait que dans sa clientèle, l'agence compterait de nombreux élus démocrates. Ah oui, alors en s'attaquant à l'entreprise de Deborah Palfrey, là, ce procureur espère bien affaiblir le camp démocrate. Et réaliser par là même une opération de diversion à la veille d'élections périlleuses pour le camp républicain. Mais on va le voir, cette manœuvre se retournera contre les amis de son initiateur. Cependant, bon, n'allons pas trop vite. Ben, bien sûr. Et comment opère ce Taylor, alors ? Fin septembre, une semaine à peine après sa nomination, le procureur lâche ses chiens. Un mandat de perquisition est délivré. La maison californienne de Deborah Palfrey est passée au peigne fin et tous ses biens, y compris son compte en banque, sont immédiatement saisis. C'est une procédure particulièrement lourde. Hein. Qui n'est ordinairement mise en œuvre que dans les grosses affaires de trafic de drogue ou de terrorisme. C'est donc, dans le cas présent, complètement disproportionné. C'est évident. Et la conséquence la plus immédiate, c'est que Deborah Palfrey se trouve désormais dans l'incapacité de financer sa défense. Elle doit donc faire appel à des avocats commis d'office. Ah, et aux États-Unis, ce ne sont pas les meilleurs, hein, enfin généralement. Quelles sont précisément les charges qui pèsent sur Deborah Palfrey ? Elle est accusée d'avoir gagné frauduleusement de l'argent grâce à son réseau. Par conséquent, une cour fédérale de Washington l'inculpe pour racket et blanchiment d'argent. C'est grave, mais j'ai l'impression qu'on a quand même utilisé un marteau pilon là, pour écraser une mouche. Hein. Ah bah, c'est l'impression que ça donne, parce que je vous l'ai dit. Ces agences d'escort girls sont très nombreuses dans la capitale fédérale. Bah, il suffit d'ouvrir l'annuaire pour s'en rendre compte. Non, si on a choisi de s'attaquer à Deborah Palfrey, c'est en raison de la présence supposée de représentants démocrates parmi sa clientèle. Donc après cette saisie, Deborah est complètement démunie. Donc. Ah, si démunie même qu'elle est obligée d'aller vivre chez sa mère en Floride. Ah, là où elle se suicidera. Alors dans ces conditions, comment peut-elle se défendre ? Ses avocats commis d'office lui suggèrent d'opter pour la négociation, ce que permet le droit américain, c'est-à-dire une reconnaissance de sa culpabilité contre une faible peine de prison. Mais un autre avocat, un certain Montgomery Sibley, s'intéresse à son affaire et se propose de la défendre. Et lui est partisan d'adopter une posture complètement différente. C'est-à-dire ? Bah, pas question de négocier. Il faut au contraire passer à l'offensive. Adopter ce que l'avocat Jacques Vergès a appelé une défense de rupture. Mais dans ce cas précis, là, qu'est-ce que ça signifie une défense de rupture ? Sibley dit à sa cliente qu'il lui faut attaquer les motivations politiques de l'État dans cette affaire et se servir des noms les plus prestigieux qui figurent dans la clientèle de l'agence. Quitte à les compromettre. Hein. La défense de l'entremetteuse est à ce prix. Mais vous avez dit que la maison de Deborah avait été perquisitionnée. J'imagine que le listing de ses clients a dû être prioritairement saisi. Bien sûr. et également celui de ses employés. Toutefois, les agents qui ont procédé à cette perquisition ont négligé quelques cartons qui, leur semble-t-il, ne contenaient rien d'important. Grave erreur. Car Deborah Palfrey y avait rangé toutes ses factures de téléphone. Il y avait donc là un relevé de toutes les communications longue distance qu'elle avait reçues ou données. Or, aux États-Unis, les factures de ces communications entre la côte ouest et la côte est, par exemple, mentionnent le numéro du téléphone du correspondant. Donc grâce à ces numéros, on peut en principe identifier les correspondants. Et par conséquent, les clients de Deborah Palfrey. Et pour l'avocat, il s'agit d'un véritable trésor. Quelques 10 000 numéros de téléphone. Et encore, manquent-ils les numéros de tous ceux qui ont utilisé un téléphone portable? Alors, quelle va être désormais la stratégie de l'avocat? Ciblé est malin. Il sait qu'il doit s'appuyer sur un puissant média pour arriver à ses fins. Et en accord avec sa cliente, il s'adresse à l'équipe d'un magazine d'investigation de la chaîne ABC. ABC, qui est une filiale du groupe Disney. Et qu'en espère-t-il alors? D'abord, il attend des journalistes de cette chaîne qui l'aident, car il a affaire à forte partie. Ce procureur tout puissant, là. Et ensuite, il espère que cette équipe d'ABC lui donnera un coup de main pour identifier qui se cache derrière tous ces numéros de téléphone. Et pour atteindre cet objectif, il décide de lui confier une copie des factures de téléphone. Une initiative intelligente, car à peine a-t-il communiqué la liste aux journalistes que le procureur se rend compte que ses enquêteurs ont commis une gaffe d'importance en ne saisissant pas les fameux cartons. Et il interdit à Ciblet de donner cette liste à qui que ce soit et il exige que les originaux des factures lui soient aussitôt restitués. Mais il est trop tard. En effet. Et Ciblet comprend qu'il doit maintenant faire vite. Car de son côté, le procureur Tyler et son équipe mènent leur enquête avec une grande détermination. Et curieusement, il s'intéresse d'abord aux recrues de Deborah Palfrey, et pas à ses clients. Vous avez une explication, là ? La priorité du magistrat semble être de réunir le maximum de charges contre la directrice de l'agence Pamela Martin. Et sans doute a-t-il adopté cette tactique parce qu'il n'a pas encore pu mettre à son tableau de chasse une personnalité du camp démocrate. Les call girls sont donc interrogées avec une certaine rudesse. Et tout est fait pour qu'elles acceptent de témoigner contre leur ancienne patronne. Mais c'est dangereux. L'une d'elles, professeure associée à l'université de Maryland, terrorisée à l'idée de devoir venir à la barre, préfère en finir. Elle se suicide. Oui, en janvier 2007. Elle a certainement eu peur que son témoignage au cours d'une audience publique, et donc la révélation de son passé de prostituée, ne brise sa carrière universitaire. En outre, il est presque certain que la façon brutale dont elle a été traitée avait surtout pour objectif de la faire taire. Car on apprendra plus tard qu'elle avait un client régulier, le gouverneur républicain du Maryland. Mais ce suicide ne refroidit en rien l'ardeur du procureur Tyler, qui continue à s'acharner contre ses filles. Mais en face, réaction, alors ? L'avocat Ciblet passe à l'offensive, tandis que l'équipe de la chaîne ABC épluche les listings téléphoniques. Deborah Palfrey se souvient opportunément d'un client qui faisait souvent appel à ses services. Un gros poisson. À qui, hein ? Un nommé Harlan Ullman, membre d'un think tank conservateur très influent et ami personnel du vice-président Dick Cheney. C'est aussi le concepteur de la doctrine choc et terreur, qui prône la liquidation des ennemis des États-Unis. Ouais. Il est donc dénoncé publiquement par Deborah ? Et il ne peut guère contester, il payait par chèque. Pas très prudent quand on est un homme public. Hein. Mais la madame, comme on dit aux États-Unis, accroche aussi à son tableau de chasse un autre personnage éminent. Un autre conservateur ? Oui, Randall Tobias, un sous-secrétaire d'État, ancien patron de l'Agence américaine de lutte contre le sida. Un homme qui prêchait l'abstinence sexuelle. Amusant. Hein. En tout cas, dès que son nom est rendu public, Tobias démissionne en prétextant des raisons personnelles. Mais Deborah Palfrey et son avocat comptent surtout sur les travaux d'investigation des journalistes de la télévision. Car la chaîne annonce une émission spéciale qui va faire du bruit. Mais c'était sans compter avec la puissance de l'establishment conservateur. Thank you. avec X, Patrick Pénaud, sur France Inter. C'est un livre qui a fait récemment sensation. Sexus Economicus. Un ouvrage où un spécialiste du renseignement, Yvonique de Noël, dévoile comment le monde des affaires et de la politique utilise le sexe. J'en extrais ce passage où l'auteur évoque l'affaire Deborah Palfrey. À l'approche de l'émission d'ABC News qui promet un grand déballage, c'est toute la haute société de Washington qui est frappée de choc et terreur. Dans des interviews au Washington Post, puis à Fox News, puis à la Radio Nationale, Brian Ross promet des révélations fracassantes incluant des gens haut placés à Washington et des lobbyistes. Sur son site internet, ABC précise que parmi les clients de Palfrey, on trouve notamment un conseiller économique de l'administration Bush, un ex-PDG d'une grande entreprise travaillant avec le Pentagone, le patron d'un cabinet de réflexion conservateur, ainsi que des militaires de haut rang et des membres de plusieurs groupes de pression. Le 4 mai, jour de l'émission, tout le monde est devant son poste. Et là, surprise, aucun nom nouveau n'est lâché. Le commentaire final est particulièrement lénifiant. Nous n'avons pas pu trouver de membres du Congrès, personne de la Maison-Blanche. Franchement, la plupart des hommes sur cette liste ne méritent pas de faire la une des journaux. Sexus Economicus a été édité par Nouveau Monde. ABC, je vous l'ai dit, est une filiale de Disney. Un groupe qui n'a jamais rien eu à refuser au pouvoir. Surtout conservateur. Et le groupe a subi des pressions, hein ? C'est évident. Et la grande entreprise de lessivage élaborée par l'équipe d'investigation d'ABC a été annulée au dernier moment. Ça, c'est un grave échec pour Deborah Palfrey et son défenseur. Certainement. Mais dans cette première phase, tout n'a pas été négatif. Car il a déjà été prouvé que dans la clientèle de Deborah Palfrey se trouvaient d'éminents personnages appartenant au camp conservateur. Et le nom de Dick Cheney a même été évoqué. Ça ira même plus loin quand on s'apercevra, toujours grâce aux factures de téléphone, que la multinationale Halliburton, dont Cheney a été le patron avant de devenir vice-président, a régulièrement fait appel au service des filles de Deborah. Halliburton, une firme qui a engrangé de formidables contrats en Irak. Hein. Et la présence de Dick Cheney au sommet du pouvoir fédéral n'y est certainement pas étrangère. D'ailleurs, le vice-président états-unien a continué à posséder des stock options de Halliburton. Autre question plus embarrassante, là, quand Halliburton s'adressait aux call girls de l'écurie de Deborah. Était-ce aussi pour les menus plaisirs de son président Cheney ? Difficile à prouver. On sait néanmoins que Cheney s'est fait aménager à grands frais par Halliburton une demeure de fonction proche du siège de la CIA, où l'on menait parfois une très joyeuse vie. C'est un ancien officier du renseignement militaire qui révèle le fait. Un personnage qui publie une lettre d'information confidentielle et fournit des détails croustillants sur ce qui se passait dans cette maison accueillante. C'est là que l'entreprise Halliburton recevait ses clients moyen-orientaux. Cet ancien agent secret ajoute même qu'une salle en sous-sol avait été spécialement aménagée pour des spectacles de striptease. Mmh. Et après ces révélations, Cheney a réagi ? Non. Et pourtant, il aurait été en droit de porter plainte pour diffamation. Oui, alors s'il ne l'a pas fait, c'est peut-être que ce type disait vrai. On peut le penser. Cependant, personnellement, je ne peux pas vous en dire plus. Remarquons simplement que si ces faits sont avérés, il semble quand même plus grave que les quelques exploits sexuels de Clinton, qui ont pourtant fait couler tant d'encre. Ouais, et ont même failli conduire le président américain à la démission. Hein. Quoi qu'il en soit, il est intéressant d'observer que ces révélations très embarrassantes pour le numéro 2 des États-Unis n'ont pratiquement pas été reliés par la presse. Ouais, deux poids, deux mesures. Ah, ça me paraît évident. Cheney a échappé au lynchage médiatique qui avait accablé le président Clinton. Et seuls quelques humoristes se sont emparés de l'affaire. Ouais. Alors, revenons au parcours judiciaire de Deborah Palfrey. Après le fiasco de cette émission de télévision étouffée, l'entremetteuse reçoit un soutien inattendu. Celui du célèbre Larry Flint. Ah, c'est le roi de la presse pornographique. C'est ça. Flint propose $1 million à toute personne acceptant de rendre publiques ses relations sexuelles avec un membre du Congrès. Une provocation. Qui se révèle efficace. Un nouveau client de Deborah Palfrey est débusqué, un sénateur républicain de Louisiane, David Ritter, un élu qui a bâti sa carrière sur les valeurs morales et familiales et contre le mariage gay. Ritter doit se livrer à l'humiliante cérémonie d'expiation devant les caméras, en compagnie de son épouse, naturellement. Mais il ne démissionne pas. Peu après, c'est un homme proche du monde du renseignement qui est repéré. Et ça donne une idée à l'avocat ciblé. Les filles de Deborah n'ont-elles pas été utilisées à des fins d'espionnage? Ah ben, tout comme les prostituées de notre Madame Claude nationale. Exactement. Et ciblé demande au juge chargé d'instruire le procès, Gladys Kessler, l'autorisation d'interroger un certain nombre d'agences fédérales. Et cette juge accepte? Oui, mais 15 jours plus tard, elle doit céder la place à un autre magistrat qui s'empresse de refuser toutes les autorisations données par son prédécesseur. Ouais. Et l'ordre est venu d'en haut. Elle a été virée, j'imagine. Oui. À la Maison-Blanche, on surveille maintenant de très près cette affaire qui peut se révéler désastreuse pour les Républicains et l'entourage présidentiel. Et c'est en ce sens alors que l'initiative du procureur Taylor s'est retournée contre son camp. En tout cas, ces manœuvres d'obstruction n'empêchent nullement l'avocat ciblé, aidé par de nombreux internautes, de continuer à planter ses banderilles. Ouais, mais ces internautes-là, qui sont-ils? Ce sont des bénévoles qui ont proposé leur aide pour mettre des noms derrière la liste de numéros téléphoniques figurant sur les factures. Dans ce but, ils ont même créé un site. Ils ont en quelque sorte pris le relais des journalistes d'ABC. Oui, oui, grâce à cette collaboration parfaitement désintéressée, l'avocat va bientôt se trouver en possession d'une impressionnante liste d'entreprises qui ont fait appel au talent très particulier des protégés de Deborah Palfrey. Quelques exemples alors. On y trouve beaucoup de cabinets d'avocats, mais aussi des services publics, l'agence postale ou le ministère du commerce. D'autres sociétés sont très liées au secteur de l'aéronautique ou de la défense. Des activités où effectivement la signature de contrat s'accompagne souvent de quelques faveurs destinées aux clients. Et il y a enfin des multinationales comme Hewlett-Packard ou Philips, et même l'archevêché de Washington. D'accord, enfin, le fait d'avoir appelé un jour ou l'autre l'agence de Deborah Palfrey ne veut pas forcément dire qu'il y a eu consommation, si je puis m'exprimer ainsi. C'est vrai, je vous concède même qu'il aurait pu y avoir des erreurs de numérotation, mais enfin, quand la communication dure plusieurs minutes et que ces appels sont répétés et réguliers, on ne peut guère avoir de doute. On a réellement affaire à des clients de l'agence d'Escort Girls qui appellent en toute connaissance de cause. J'imagine qu'on va déboucher sur un procès, ouais. En avril 2008, oui. Et d'emblée, Deborah Palfrey est persuadée que ça va très mal se passer pour elle. Ouais. Elle va payer alors cette défense de rupture prônée par son avocat. C'est probable. Nombreux sont ceux, élus ou hommes d'affaires, qui entendent lui faire payer très cher le fait d'avoir été dénoncé. Et Deborah en est tellement persuadée que peu avant le procès, elle se sépare de Montgomery Ciblé. Le juge lui impose alors de reprendre un avocat commis d'office, celui-là même qu'elle avait récusé au profit de Ciblé. Elle adopte donc un système de défense plus classique, mais que va-t-elle plaider ? Deborah Palfrey prétend que son agence ne vendait pas du sexe, mais du divertissement érotique, et cela en toute légalité. Mais est-ce que c'est crédible ? Pas trop, non. Qui peut la croire lorsqu'elle affirme que ses accompagnatrices, comme elle les appelle pudiquement, n'étaient pas censées avoir des relations sexuelles avec leurs clients? Elle fait donc semblant alors d'ignorer qu'elle se livrait à la prostitution. Et d'ailleurs, allègue-t-elle, si ces femmes allaient au-delà des massages ou autres menus fantaisies érotiques qu'elles prodiguaient à leurs clients, leur contrat était aussitôt résilié. En outre, proclame-t-elle, elle a toujours déclaré ses gains au service des impôts. Mais le juge n'a cure de tous ses arguments et il fait défiler à la barre une dizaine de ses prétendues accompagnatrices. Ouais, des témoignages à charge contre Deborah Palfrey. Oui, oui, car ces femmes, dont Rebecca Dickinson, officier de la marine, qui ne tardera pas à être renvoyée de l'armée, affirment, contrairement à leur ancienne patronne, que les relations sexuelles étaient bien au centre de leur pratique. Certaines ajoutent même un argument qui fait mouche. Elles disent qu'avant d'être embauchées par Deborah Palfrey, elles ont dû passer une sorte de test. C'est-à-dire un client de longue date de l'agence était chargé d'évaluer leurs talents. Ouais, leurs compétences en tant que futures prostituées. Exactement. Ouais. Mais est-ce que ces témoignages à charge contre Deborah étaient sincères? Il est certain que ces femmes avaient subi une énorme pression psychologique avant de venir à la barre. Et elles ont témoigné à contre-cœur. Mais elles n'ont guère eu d'autre choix. Et puis, elles étaient déjà brisées, car pour la plupart, elles ont perdu leur emploi. Leur emploi officiel, enfin ouais, dans la vie civile. Ouais. Ouais. Aussi, avant même la fin du procès, les jeux étaient faits. Deborah Palfrey serait sévèrement condamnée. Ce qui s'est passé ? Le jury l'a déclarée coupable de racket, blanchiment d'argent et gestion d'un réseau de prostitution. Ce qui pouvait lui valoir entre 8 et 10 années d'emprisonnement. Et Deborah Palfrey n'a pas supporté la perspective d'un nouvel emprisonnement. Et c'est pourquoi, 15 jours après ce procès, alors qu'elle attendait de savoir quelle peine lui sera infligée, elle a choisi de se donner la mort. Pour échapper à ses juges. Et peut-être pour se venger à sa façon de ce système qui l'avait écrasé. Un système dont elle avait quand même largement profité. Hein. Sans doute. Et ici, il n'est pas question de lui trouver de quelconques excuses. Mais je crois vous avoir démontré que dans cette affaire, Deborah Palfrey a aussi été le bouc émissaire d'une obscure manœuvre politicienne. J'emprunte la conclusion de cet entretien avec M. X à l'auteur qui se dissimule sous le pseudonyme d'Yvonique de Noël. À la fin du chapitre consacré à Deborah Palfrey, il écrit ceci. De nombreuses théories complotistes n'ont pas manqué de fleurir sur le web, affirmant qu'on avait fait taire définitivement Deborah Palfrey pour qu'elle ne puisse pas incriminer de hautes personnalités comme Cheney. Mais ces théories ne sont guère convaincantes. Rappelons qu'elle gérait son agence depuis la Californie et ne pouvait donc connaître la plupart des clients qui se présentaient sous de faux noms. Aurait-elle eu des révélations fracassantes à faire ? Qu'il eût été de son intérêt de les mettre en lumière pendant le procès, ce dont elle s'est abstenue. D'autre part, tous ses proches confirment qu'elle était très éprouvée par la procédure et redoutait le verdict à venir. Elle s'était jurée de ne pas retourner en prison. Elle a tenu parole de façon radicale. Depuis lors, les affaires ont repris leur cours à Washington. Les autres agences de call girls continuent à fonctionner le plus normalement du monde. Sexus Economicus, je vous le rappelle, a été publié par Nouveau Monde. À samedi prochain, Ilinka Negulescu a préparé cette émission. Valérie Ayesterhaï, Michel Billou l'ont réalisé et Monsieur Djoub l'a mis en musique. Tout de suite après le flash CO2, mon amour de Denis Chessou pour partir en balade.